Ah. Ne me pousse pas à la faute. Ne me comparez pas aux autres et leur team de l'autre, ils veulent que je me vautre. Suffit d'une gifle pour que leur string saute. Mauvais garçon, moi et mes autres. Je suis un verviqueur à la vôtre, puis j'irai tout repisser sur vos boutons. J'aurai ma revanche dans cette vie ou dans l'autre. Bébé, je n'ai pas tâte au fond du sac. Dis-toi que l'amour que j'ai dans le cœur est comme un tabli qui me sert à construire ou à couler ton cadavre au fond du lac. Dossé ne fume pas, mes soirs se tirerai bien quelques lacs. Je me poserai devant mon ordi pour reluquer des puces dénudées sur les réseaux sociaux pour quelques likes. Oui, j'ai le sens de la formule, oui, j'ai le sens du spectacle. Va te faire fister avec un grand crin, c'est ma notion personnelle de ce qu'est le tact. Je suis qu'un pêcheur parmi d'autres, et ce n'est qu'à ce titre que j'exerce. Le jour du jugement, je répondrai de mes actes et de toutes les saloperies que je déverse. Je n'ai que mon miroir pour ami, car c'est le seul à pleurer quand je pleure. Clic, clic, blair, on les ennemis. J'ouvre le feu et l'industrie prend peur. Faudrait que vous sachiez que je bicrave des sachets pour m'acheter des peu sachets. Dolce, Givenchy, Versace, la street, j'en ai bouffé, mâché, puis remâché. Fais pas chier, je vais te baffer, bébé, je crois que je vais cracher. Rap sale, style propre, recuit, authentique, peau d'anguille. Mon public ne me croit plus quand je lui dis que l'album est imminent. Hugo, je l'ai fait trop languir. Yuri, Orleans, enfoiré, fais-la. Que si t'as envie de l'UET, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, front kick, high kick, middle, wesh. Ils veulent tous rapper comme s'ils avaient quelque chose à dire. Ils veulent tous rapper comme s'ils avaient quelque chose à dire. Ils veulent tous rapper comme s'ils avaient quelque chose à dire. Ils veulent tous rapper comme s'ils avaient quelque chose à dire. Alors bang bang, adios, adios, adios. Bang, bang. Adios, adios, adios, adios, adios.